On poursuit en compagnie de la journaliste scientifique Valérie Levé qui nous parle du retour à l'école qui s'en vient là, beaucoup de questions sur l'organisation mais beaucoup de questions aussi concernant la transmission du virus. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Ça va très bien, puis je vais suivre ton conseil, je ne sortirai pas les fines herbes cette nuit. Non, c'est ça. Moi, je disais facteur de refroidissement. Non, pas de... Oui, moins 8 cette nuit avec le vent, c'est pas chaud. Hein? Bon, inutile de dire qu'on n'est pas tout à fait dans les normales de saison. Valérie, donc oui, avec le retour à l'école, beaucoup de questions d'organisation, mais aussi beaucoup de questions concernant la transmission de la COVID. Mmh. Est-ce que les enfants peuvent attraper la COVID? Est-ce qu'ils peuvent la transmettre à leurs parents ou aux enseignants? Et tout ça, évidemment, ça risque de faire partie de l'épidémie, le repartir plutôt l'épidémie. Ben oui, puis donc ce sont toutes des questions bien légitimes qu'on se pose ici, mais qu'on se pose aussi dans les pays européens. Alors, en Europe, l'épidémie est arrivée un petit peu plus tôt qu'ici, et dans plusieurs pays, on observe que le nombre de cas quotidiens diminue jour après jour, ce qui n'est pas encore le cas au Québec. Et donc, ces pays entament aussi leur déconfinement et la reprise des cours à l'école, un peu chacun à leur manière. Puis, c'est vrai, tu parlais de la Grande-Bretagne tout à l'heure. C'est vrai que la Grande-Bretagne est un peu en retard aussi sur les autres pays européens. Ils ne sont pas encore vraiment en décrue, eux. Alors, donc, le déconfinement, là, un peu à géométrie variable en Italie. En Europe, par exemple, en Italie, les écoles vont rester fermées jusqu'en septembre. Les Allemands, eux, ont décidé que l'école ne reprend que pour les plus âgés, comme les élèves du secondaire. Donc, eux, leur argument, c'est que les ados vont mieux comprendre les gestes barrières et donc mieux les respecter que les plus petits. Au Danemark, ils ont décidé que l'école reprendrait pour les moins de 11 ans. J'imagine que 11 ans, c'est la limite entre le primaire et le secondaire. Façon dont l'école est organisée, ouais. Voilà. En France, l'école reprend d'abord pour le primaire, puis ensuite progressivement pour les premières années du secondaire, puis pour tout le secondaire, et ensuite pour le lycée, qui est un peu l'intermédiaire entre le secondaire et l'université. Ouais, ils finissent un peu plus tard en général en France que nous aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai aussi qu'en France, l'école, l'année scolaire se termine la première semaine de juillet. Mm-hmm. Donc ça fait encore, il y a encore du temps aussi pour apprendre des choses. Ouais, quand même. Donc, c'est très différent d'un pays à l'autre en Europe. Ouais, puis nous, ici, c'est que les élèves du primaire qu'on a choisi d'envoyer. Exactement. Puis en Ontario, on les enverra pas avant, c'est certain, la fin mai, puis c'est encore à évaluer. Donc, on voit là, que chaque pays, il n'y a pas de directive mondiale, chaque pays se fait une idée sur les risques de renvoyer, ma foi, les élèves à l'école, et puis sur le calendrier de retour. Ouais. Donc, pas de directive ça serait trop facile. Non, ce serait trop facile. Mais donc, effectivement, c'est un peu chacun y va selon leur propre situation aussi, selon la chronologie de l'épidémie, comment les écoles sont organisées. Mais par contre, il y a un élément commun, c'est que on retrouve un peu partout un retour en classe avec un retour à l'école avec des classes à effectifs réduits et un lavage des mains plus fréquent. Donc ça semble quand même être une composante commune. Maintenant, on parle des risques de renvoyer les enfants à l'école, mais il y a aussi les risques de ne pas les envoyer à l'école. Donc, en France, un argument avancé pour renvoyer les enfants à l'école, c'est l'équité. Parce que malgré tous les efforts que les enseignants, que les systèmes scolaires font pour offrir des cours à distance, bon, ça se fait ici, ça se fait en France, ça doit se faire dans les autres pays, il y a quand même des enfants qui sont sortis du système. Ouais. Les enseignants qui donnent ces cours à distance ont perdu. En France, on parle, je ne sais plus, de 5 à 10% des enfants qui sont perdus. On ne sait pas où les enfants, les enseignants ne savent pas où ils sont. Donc, on les perdus dans ça, ils sont perdus. Les enseignants essaient de les contacter, puis ça ne répond pas. Donc, soit parce qu'il n'y a pas d'ordinateur dans la famille, soit parce qu'ils sont dans des régions rurales et la connexion Internet est mauvaise, soit parce que il n'y a pas un environnement familial pour inciter l'enfant à suivre ses cours à distance. Donc, ces enfants-là vont prendre du retard sur les autres. Puis, quand on y pense, quand même, le confinement a commencé en mars, donc jusqu'à fin juin, ça fait 3 ou 4 mois de perdu pour eux par rapport aux autres. Et à la rentrée scolaire, ils vont être pénalisés. Ouais, parce que... Donc ça, c'est quand même un élément qu'il ne faut pas perdre de vue non plus. Et puis, y a des enfants qui subissent des violences dans leur famille aussi. Mm-hmm. On l'a entendu cette semaine, la DPJ le dit, depuis le début du confinement, elle reçoit moins de signalements. Et pourquoi? C'est parce que les signalements viennent souvent des écoles. Les enseignants qui connaissent leurs élèves, ils peuvent voir si un élève porte une marque de violence ou même si dans son comportement, ça laisse penser qu'il subit la violence. Donc, ils vont pouvoir le signaler. Et depuis le début du confinement, il y a moins de signalements. Ouais. Alors, donc, on peut imaginer qu'il y a des enfants qui reçoivent plus de violence en ce moment qu'habituellement. Donc, si on prend une balance, il faut mettre dans la balance les risques d'envoyer ses enfants à l'école et les risques qu'ils attrapent la COVID et de rester à la maison. Là, c'est vraiment un jeu de balance. Là. Voilà, c'est ça. Il y a un enjeu là, faut calculer les risques de chaque côté. Et puis, quand on regarde, si on s'intéresse aux risques que les enfants attrapent la COVID et la transmettent et soit une courroie de transmission pour refaire partir l'épidémie, c'est vrai que quand on regarde le risque que les enfants attrapent le coronavirus, il est quand même très faible. Sur le site de l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, j'ai pas vu de chiffres pour les tout jeunes, donc il y a quand même des données pour des tranches d'âge quand même assez élargies. Donc pour la tranche d'âge 0-29 ans, on comprend donc qu'il y a ça, il y a des jeunes adultes là-dedans. C'est large, mais quand même. Ouais, mais donc ça représente 13, donc cette tranche d'âge de 0 à 29 ans représente 13,6 des cas confirmés. Donc c'est quand même beaucoup, mais il y a les jeunes adultes là-dedans. Et ça représente 0,8% des décès. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup. Mais on dit toujours un décès, c'est toujours un décès de trop, surtout chez les enfants, là, on n'aime pas ça. Ouais, non. Et puis la tranche d'âge de 0 à 18 ans représente 0,4% des hospitalisations. Donc, c'est quand même pas un gros pourcentage. Et j'imagine, mais là, les chiffres le disent pas, mais peut-être que toi, tu es au courant, mais dans ces 0,4% d'hospitalisation, c'est des enfants qui étaient à risque, qui avaient des problèmes de santé? Oui, ça, je ne sais pas. Les statistiques le disent pas. Ne le donnent pas, mais ça se peut, effectivement. Peut-être que c'était des enfants qui avaient déjà des risques, des problèmes pulmonaires, par exemple, initialement, ça se peut. Okay. Donc, si on regarde ailleurs dans le monde, il y a un article qui est sorti dans la revue Science le 4 mai et qui donne un aperçu des recherches dans le monde. Et on lit par exemple qu'aux États-Unis, sur un échantillon de 150 000 personnes infectées, donc c'est quand même un grand échantillon. Oui, quand même, un bon échantillon. On en a 1,7% qui ont moins de 18 ans. Mais là, on parle de personnes infectées. On ne parle pas de personnes qui sont allées à l'hôpital. On parle de Sont testées positives, disons. Voilà, exactement. Donc, en fait, quand on lit cet article dans la revue Science, quand on lit les différents chiffres et différentes études qui sont rapportées, on lit que les enfants sont moins touchés et leurs symptômes sont moins sévères. Ils ont de la fièvre, ils toussent, mais la radiographie de leurs poumons ne montre que très, très rarement une pneumonie. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, là, avec le retour à l'école, c'est est-ce que les enfants qui peuvent être asymptomatiques et transmettent la maladie à leurs amis, à leurs enseignantes aussi, hein, parce que les enseignantes doivent être très inquiètes. Puis après ça, ramener ça à leur famille, là. Ben oui, c'est ça, parce que là, ces chiffres-là, finalement, les chiffres que j'ai donnés, là, c'est pour c'est des enfants qui sont testés positifs, mais on passe sous silence les asymptomatiques. Donc, ceux qui seraient peut-être quand même porteurs du virus et qu'on n'a pas détecté. Donc, et puis, qui sont peut-être qu'ils vont le transmettre, le virus. Donc, toujours d'après cet article dans la revue Science, on sait que, par exemple, qu'en Italie, 21% des enfants qui étaient positifs au test de la COVID étaient asymptomatiques. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il y a des petits bouts de choux qui se promènent avec le virus et ça leur fait apparemment ni chaud ni froid. Jouer au Lego sans problème. Ouais. Dans une autre étude en Chine, estime que 32% des enfants de 6 à 10 ans positifs ou suspects, parce que peut-être qu'ils étaient en contact avec des gens porteurs du virus, des gens malades. Ouais. Donc 32% de ces enfants-là de 6 à 10 ans sont asymptomatiques. Donc là encore, ça nous indique qu'il y a quand même un phénomène à ne pas négliger. Qui est une bonne nouvelle pour les enfants, mais pour les parents, ça reste inquiétant parce qu'on ne sait pas si notre enfant peut nous transmettre. Exactement. Ouais. c'est un gros point d'interrogation. Ouais. On ne sait pas qui ils sont. Oui, et donc, on ne sait pas quelle attitude avoir avec, avec ces enfants-là. On ne sait pas s'il faut s'en protéger ou s'il faut leur demander de faire attention. Ouais. On ne sait pas. Donc, il y a des enfants qui sont porteurs du virus sans montrer de symptômes. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont le transmettre. Aussi, parce qu'après tout, s'ils n'ont pas de symptômes, ça veut dire qu'ils n'ont pas la mort tous donnée. Pas. Mais c'est quand même des enfants qui rient, qui parlent. On sait que parler, ça émet quand même le virus. Ben oui, crier. Il y a des enfants qui pleurent aussi. Ouais. Il peut quand même y avoir de la morvonnée. Donc, bon, on ne sait pas. Donc là aussi, il y a quand même quelques études sur la transmission du coronavirus par les enfants. Donc par exemple, il y a une étude néerlandaise qui a examiné 54 familles. Et dans ces familles, ce n'est jamais un enfant qui a apporté le coronavirus dans la famille. Okay. C'est un adulte. Après, éventuellement, il y a des enfants qui l'ont eu, mais c'est jamais l'enfant qui a apporté, qui a transmis le coronavirus à la famille. Ouais. Donc l'enfant dans ces 54 familles n'est pas la courroie de transmission. Bon, 54, c'est pas énorme, Valérie. Non, c'est ça, c'est le problème, c'est un petit nombre là. On fait pas une généralisation avec ça. Mais il y a d'autres études aux Pays-Bas qui du même genre avec des petits nombres aussi, mais qui pointent vers le même résultat, disant que les enfants ne transmettent pas ou transmettent rarement la maladie. Et c'est ça qui a incité aussi donc le gouvernement néerlandais à rouvrir les écoles. Ouais. Mais on lit aussi d'autres choses dans la littérature scientifique. Donc, par exemple, il y a une étude chinoise toute récente, parue le 29 avril, qui prévient que même si les enfants sont moins atteints, c'est en les gardant à la maison que ça a aidé à contenir l'épidémie en Chine. Et que rouvrir les écoles risque de faire repartir, d'accélérer la transmission et de faire repartir l'épidémie. Ouais. Donc, parce qu'en fait, les enfants dans les écoles, là, ils sont en contact avec leurs amis, avec le personnel de l'école et la famille. Donc, les enfants sont en contact avec plus de personnes que nous, les adultes, qui sommes en contact avec, 3-4 collègues. Mm-hmm. Des fois, il y a des milieux de travail où il y a plus de collègues quand même. Mais généralement, les enfants sont en contact avec plus de personnes que les adultes. Donc, si jamais ils transmettent le virus, ils font une sacrée courroie de transmission. Bon, ben Valérie, on n'en sait pas beaucoup, non? Voilà, je suis désolée. On ne sait pas vraiment, là, finalement. On n'a pas vraiment la réponse encore. On ne le sait pas plus, là, s'il y a un risque à envoyer les enfants à l'école. Non, c'est ça. Pour l'instant, ça demeure un petit peu assez flou. Puis c'est sans doute pour ça qu'on voit les différents pays qui ont des stratégies différentes d'un pays à l'autre. On est dans l'expectative, mais il y a des études qui sont lancées pour en savoir plus, mais c'est toujours les études arrivent au fur et à mesure quand on a besoin des résultats, donc c'est la science en temps réel là qu'on vit. Ouais. Donc par exemple, il y a une étude à Toronto qui va suivre 1000 familles avec des tests de dépistage chaque semaine, parce qu'il faut savoir si ça se transmet, il faut faire un test aujourd'hui, mais il faut le refaire dans une semaine pour savoir ce qui s'est passé entre temps. Et puis des questionnaires aussi pour connaître les activités des parents et des enfants. Donc, est-ce que les enfants jouent avec d'autres enfants? Comment les parents font leur épicerie? Bon, différentes questions sur les comportements pour essayer de faire un lien entre ces comportements et la transmission du virus dans ces familles. Puis il y a d'autres études du même genre qui sont lancées aux États-Unis et aux Pays-Bas et sans doute ailleurs. Puis, ben, idéalement, il faudrait des études sur les enfants qui retournent à l'école, sur puis les enfants, leurs familles et leurs enseignants, idéalement. Oui, ça fait beaucoup d'études, ça fait beaucoup de choses. Alors, sans doute qu'il va rien avoir, mais on va avoir les résultats en même temps qu'on va vivre en temps réel la situation, parce que les écoles vont rouvrir. Clairement, on n'a pas le recul nécessaire pour dire, bon, ben, ça va bien de ce côté-là, on va faire comme ça. Exactement. Ouais. Donc, d'une certaine façon, même sans ces études, la réalité va nous le dire. Mm. Si l'épidémie reprend dans les villes où les écoles rouvrent, ben, faudra se questionner sur la pertinence de rouvrir les écoles ou sur la façon de le faire. Puis, en même temps, des études donc en cours vont aussi peut-être apporter des résultats pour nous permettre de corriger nos façons de faire. Et puis, faut pas oublier que de l'autre côté de la balance, on sait que pour les familles défavorisées ou pour les enfants qui vivent en milieu violent, il y a des risques à ne pas renvoyer les enfants à l'école. Exactement. Donc, ça aussi en tête et faire du mieux qu'on le peut. Ouais, je pense que tout le monde y va avec un peu beaucoup de science puis un peu beaucoup aussi d'humanité, un peu comme on a fait avec les résidences pour personnes âgées. On a déconfiné certaines résidences en disant, écoutez, là, on comprend que votre mental, des fois, peut être très affecté. C'est ça, exactement. Ouais. Bon. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour cet éclairage. On n'en sait pas. C'est pas oui ni noir, c'est pas ni oui ni non, voilà, c'est blanc, ça, ni blanc, ça ni fait noir. Partie de la réalité. Mais aussi. C'est exact. Au moins, on a quand même un bon éclairage sur le sujet. C'est quand même très pertinent. Merci beaucoup, Valérie. Je te souhaite une bonne journée. Et on se reparle vendredi. Oui, à vendredi. Bye bye. Au revoir.